nuit sous le sable, mais la lumière m'a appelé. Ridée de ce qu'elle n'était pas loin, il n'est jamais loin, il dort dans les chant le réclame. Il revient, depuis les cendres, puis la gorge du V. Il pensait que c'était fini, mais rien ne se finit, tout se transforme, tout m'enfuit. J'ai marché dans la dans la chaleur sans nom, j'ai marché trop lit et j'ai chanté malgré tout. Et je te mangerai les skis, tu m'apportes. Je n'ai plus besoin de nom, je n'ai plus besoin de Paris, je n'ai plus besoin. Il sort, il chante, il brûle. Riders Gate ne disparaît pas, il sent. Et quand le monde oublie, lui, il se souvient et il revient. Plus lourd, plus grave et plus vrai. Je suis revenu pour ce qu'on a laissé, pour ce qu'on a effacé, pour ceux qui n'ont pas fini leur chant. Je suis leur voix qui continue, leur battement qui insiste. Revenu du sable, revenu du noir, revenu du cri, revenu du silence. Je suis Riders Gate dans sa forme souterraine, dans son cri oublié, dans sa marche lente mais certaine. Ce n'est pas une vengeance, c'est une réponse. Ce n'est pas une colère, c'est une mémoire vivante. M'avait recouvert, mais le chant m'a ramené. Maintenant que je suis là, je ne partirai plus. Je suis le retour dans la tempête, et cette fois, c'est elle qui pliera.